Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Yeah, I honey bring it close to my lips. Yeah, I honey bring it close to my lips. Noël avec Feel the Vibe de la Noche. Bonjour et bienvenue dans Electrochic, c'est Hubert jusqu'à 10h et au programme de cette première heure que des choses intéressantes. Évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir retrouver dans cette première heure? Il y aura par exemple Body Rockers avec I Like the Way, Elio Rizzo Be Mine, le remix de Pulvertum signé Eric Smax, Dance avec Big Fun, c'est le remix 2007. Il y aura aussi un rendez-vous très important à ne pas manquer tout à l'heure à 9h15, vous avez bien sûr rendez-vous avec Marc Brax. Bon réveil sur Galaxy. Galaxy. Avec Hubert. Avec Hubert. Here it is again. You found another. Someone you called a friend, but not a lover. I hope you fall too low, but you get going on. So what we're all about. The curiosity is killing me. Absolument rien car la suite du son c'est dans quelques instants avec un Remember qui va d'ailleurs bien vous faire plaisir, c'est BBE et Flash juste après ça. Yeah. Weekend Sugar avec What Is Love, repris sur un succès des Thompson Twins sorti dans les années 80. Et là, évidemment, je m'adresse aux plus anciens d'entre vous. Attention, si vous voulez gagner votre passe pour une des soirées qui vous branche, soirée qui aura lieu bien sûr le week-end prochain, dans ce cas-là, c'est ici et maintenant que ça se passe, car nous jouons tout de suite avec le 20e appel au standard 03 20 83 57 57. Et pour ce qui est de la suite du son, je vous envoie tout de suite à Tiras. On se la joue rock and roll ce matin sur Galaxy avec Body Rockers. I like the way. There's so many things I like about you. I just don't know where to begin. Okay, well, I like the way you look at me with those beautiful eyes. I like the way you act all surprised. I like the way you sing along. I like the way you always get it wrong. I like the way you clap your Galaxy. Good for the mind. Galaxy. Good for the mind. Bounce avec Big Fun, c'est le remix 2007. Galaxy. Just electronic music. We'll be right back. direct sur Galaxy Electrochic sur 95.30 ou www.galaxyfm.com. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à tous ces gens qui nous écoutent là-bas de l'autre côté de la planète et qui sait, qui nous ont peut-être découvert il y a seulement quelques mois. Tiens, justement, si vous êtes très loin d'ici et que vous comprenez évidemment ce que je raconte, vous pouvez nous envoyer vos mails et nous raconter par exemple comment vous avez connu la radio. Vous envoyez vos mails donc à hubertgalaxy@hotmail.fr. hubertgalaxy@hotmail.fr. On se fera bien sûr un plaisir de vous répondre. Deuxième partie d'Electrochic. Electrochic, deuxième partie. Avec Marbrax, My House Is Mine. Il sera également au platine tout à l'heure à partir de 9h15. Factory, c'est tout nouveau. C'est le remix de Fédé Legrand. Il y aura aussi David Guetta avec Love Is Gone. Et les Flash Brothers avec Together, encore une nouveauté électrochic. Bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez plus qu'à bloquer la fréquence hein, sur 95.30 ou alors si vous nous écoutez sur le net, ça se passe sur www.galaxyfm.com. A tout de suite. Électrochic. Très bon week-end, il est 9h. Galaxy 95.3. 8h-10h. Hubert. Sur Galaxy. On Galaxy.

classique sur Galaxy, c'était Moby. Il est là et il va vous décrasser les oreilles pendant environ une vingtaine de minutes, comme tous les samedis matins. C'est bien sûr le mix exclusif de Marbrax. C'est parti. We'll be right back. Galaxy. Get up and dance. We'll be right back. Mister Marbrax qui était au platine depuis 9h15 ce matin. Marbrax, on aura bien sûr la joie de retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous rappelle qu'il est originaire de Lyon. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur sa petite personne, vous pouvez bien sûr lui rendre une petite visite sur MySpace. Il vous suffit de taper www.myspace.com/DJ Marbrax. Vous pouvez aussi lui rendre une petite visite sur son site officiel en tapant djmarbrax.com. Attention, voici une nouveauté à surveiller de très près dans Electrochic. C'est sorti il y a seulement quelques jours. Ça s'appelle Call in Love Your More et c'est remixé par Fédé Le Grand. Sur Galaxy 95.30 ou www.galaxyfm.com. Vous restez bien scotché, la suite c'est dans un instant avec David Guetta et Love Is Gone. C'est le remix de Fred Rister et Joachim Garou. Galaxy, c'est ça. I'm sure. cœur de la scène électronique. We'll be right back. Sentir son contact. Je pense à toi. Je pense. Je t'aime. Avec mon musique, vous l'avez découvert sur Galaxy il y a maintenant quelques semaines. C'est d'ailleurs là-dessus que se referme Electrochic dans quelques secondes. Sound System avec Jérémy et nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci.